Nous saluons chaque frère et chaque sœur dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tunasalimia kila ndugu na kila dada mujina ya utukufu ya Bwana Yesu Kristo. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Bwana Mungu abariki kila mmoja wenu. Nous en profitons pour saluer nos frères et nos sœurs. Tunasalimia pia banduku na badada. Qui nous suivent en ligne aussi. Bale banatufuata kule kumtandao. Puisque la même onction. Upako moja moja. Que le même esprit. Na roho moja moja. Qui nous enveloppe en ces lieux. Ile inatufundika pa hifadhi. Puisse les envelopper aussi. Ipate pia kubafunika. Et que nous soyons tous. Na tupate kuwa enseignés sisi wote de Dieu. Benye kufundishiwa na Bwana. Inclinons nos têtes. Tuinamishe vichwa vyetu. Wa milele Mungu wetu na baba yetu. L'Éternel, notre Dieu et notre Père. Inje yako hakuna Mungu wa milele. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu qui est éternel. Ule arijifanya kuya Mungu. Celui qui s'est fait homme. Ni paka muntu mwenye kukosa akili. C'est seulement l'homme qui manque d'intelligence. Njoko amana Seigneur. C'est pourquoi Bwana. Bazimu yote ya batu iko na mwanzo na iko na mwisho. Toute folie des humains a un commencement et aussi une fin. Weye haukujifanya kuya Mungu. Toi, tu ne t'es jamais fait Dieu. Parce que uko Mungu. Parce que tu es d'office Dieu. Auna na mwanzo, auna na mwisho. Tu n'as ni commencement ni fin. Uko wa milele we peke. Tu es le seul qui est éternel. Mwenyari yua mwisho avant mwanzo. Celui qui connaît la fin avant son commencement. Mwenyari yua maevenema yote itafika maisha ya kila muntu. Celui qui connaît tous les événements qui arriveraient dans la vie d'un homme. Na vile bitafika kumwisho ya maisha ya muntu wote. Et même la fin de tout homme. Niwe Yesu Kristo. C'est toi seul Seigneur Jésus Christ. Seigneur, mioyo yetu inakujana furaha kabisa. Bwana, nos cœurs sont pleins de joie. Mukona neema tulipata kumbele yako. En voyant la grâce que nous avons reçue au devant de toi. Masomo haikutusaidie. La scolarité ne nous a pas aidé. Kia kwetu haikutusaidie. Ni moi notre coutume. Ni weye mubuluma yako Seigneur. Laisse toi par ton amour. Njari tufungula akili. C'est pourquoi tu nous as ouvert l'intelligence. Njari tunyolosha mukono. C'est toi qui nous as tendu la main. Na mwenye kutukonvaincre ni weye. Et c'est toi seul qui nous a convaincus. Chia ba leo kumbele yako. Nous voici aujourd'hui devant toi. Urifanya biote bile Seigneur na kifukuzio moya. Tu as fait tout ceci avec un seul objectif. Ulipenda kututosha mumangiza. Parce que tu voulais nous sortir des ténèbres. Na shitu kuye kunuru. Afin que nous puissions venir à la lumière. Tukutambue we Mungu wa bia kweli. Qu'on te reconnaisse toi le seul vrai Dieu. Mumba wa mbingu na dunia. Créateur du ciel et de la terre. Munganga mukubwa ni weye. Le grand médecin c'est toi. Mufariji ni paka weye. Tu es le seul consolateur. Musaidizi wa batu ni paka weye. Tu es le seul le secours. Akika Seigneur. Certes, Bwana. Atuna na masemo. Nous manquons de termes. Njua kukonesha mara ngapi, Seigneur, tuku na kupikia aksante. Pour te montrer combien de fois nous te remercions. Leo shaba tunakusanyika. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis. Saba toto ya Mungu. Comme les enfants de Dieu. Benekwa natikishwa kusema. Ayant la certitude. Mungu wetu eko katikati yetu. Que notre Dieu est au milieu de nous. Mungu wetu eko ndani mwetu. Notre Dieu est au-dedans de nous. Na anetuyua mzuri. Et il nous connaît mieux. Na kuyo tusaidie leo. Puisses-tu venir nous aider aujourd'hui. Samea bazimu yetu. Pardonne toute notre folie. Babu zaifu yetu. Pardonne notre faiblesse. Na makosa yetu. Et toutes nos fautes. Utukumbuka kusema Seigneur. Souviens-toi de nous Bwana. Dieu Adamu na sadaka bwana Yesu Kristo. Accordissant le sacrifice de Jésus Christ. Ichikia kutukaribia tena leo. Accepte de s'approcher de nous aujourd'hui. Njoo mkusanyiko hii kwe na mafaa. Afin que notre réunion puisse avoir des valeurs. Niwe kutembela kila dada na kila nduku. Si toi tu visitais chaque frère et chaque sœur. Kuya vunja mukate hii mangaribi. Venez briser pour nous le pain de ce soir. Njoo kufanya kila mmoja mkutoka Seigneur. Pour que chacun de nous en sortant apate konea amo qui puisse tirer profit. Sifa shangwe pato kuelekea. L'honneur et la gloire puissent te revenir. Tutasoma miandiko. Nous allons lire les écritures. Juu tunayo kusoma français. Parce que nous connaissons lire les français. Mais mwenye miandiko ni we Yesu Kristo. Mais les propriétés des écritures c'est kama we aufunulie batu mapenzi yako. Si toi tu ne révèles pas ta volonté aux hommes. Tutalandana. Nous allons nous tromper. Mena tunaiweka ku mikono yako. Nous nous abandonnons entre tes mains. Juu we ushuke. Afin que toi seul tu puisses descendre. Wepeko chukue kinu. Et toi, si tu puisses prendre la bouche, masikio, tu puisses prendre les oreilles, bote, Seigneur, afin que nous tous, tupate kufundishwa nawe, qu'on soit enseignés de toi. Ichikia binye tunakulomba. Accepte ce que nous t'avons demandé. Babule, atuna na kintu. Nous sommes des hommes inutiles, nous n'avons rien. Alors quoi utusaidi? Puisse venir alors nous naomba aider. Yote na imani. Nous avons prié avec mujina foi, ya Bwana Yesu Christu. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Amina. Nous demandons de vous lever. Tunamiomba mupate kusimama. Apocalypse chapitre 3. Ufunuo sura ya 3. Verset 19 et 20. Mustari ya 19 na 22. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Mie nikuna kemea na kunyolosha bale bote minapenda. Ei donc du zèle. Uwe basi na bidi. Et repens-toi. Na upate kutubu. Voici je me tiens à la porte. Tazama nasimama pamulango. Et je frappe. Na pika odi. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, kama mtu akisikia sauti yangu na kufungula mulango, j'entrerai chez lui, taingia kwake, je souperai avec lui, takula naye chakula mangaribi, et lui avec moi. Naye pamoja nami. Que le Seigneur bénisse la portion de l'écriture. Bwana Mungu abariki sehemu ya andiko. Frère, vous avez annoncé les deuils de frère Jean-Marie. Le frère Jean-Marie est endeuillé. Ndugu Jean-Marie anapata kilio. Son grand frère Delikasi, notre diacre, le frère Mukuse. Mukubwa yake wa kulikasi shemashu wetu ndugu Mukuse a perdu son deuxième fils, hein. Anafuisha mtoto yake wa pili. Depuis hier à 21h. Nitangia jana muma 21h. Le deuil est observé à Likasi toujours chez frère Mukuse. Kilio wanatengeneza kulikasi kwa ndoko Mukuse. Au quartier Makomeno Panda. Kuma quartier Makomeno Panda. C'est après. Nazania hapa. Le Saint Sauveur, l'Institut Saint Sauveur. Uzima. Ah, Uzima. Oui. Nikisha ile masomo. Uzima vous entrez à droite. Ya Uzima unaingia kuume. On va vous communiquer même le numéro de frère Mukuse. Tutami tangazia namba ya ndugu Mukuse. Et même le numéro de frère Jean-Marie. Na namba ya ndugu Jean-Marie. Probablement ils peuvent enterrer, je crois, samedi, d'après ce que Mukuse m'a dit. Nazania wanawezi kusika mumposho kufatana na ile waliambia. Mais ce n'est pas encore confirmé. Alakini, kwa que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Nous poursuivons notre sujet. Tunaendelea na shina yetu ya maubiri. Intitulé. Yenye kuitwa. Et tu ne le sais pas. Na awijue. Nous sommes très contents. Tunafurahi sana. Quand le Seigneur lui parle. Wakati ile Bwana yuko nasema. En nous disant et tu ne le sais pas. Mkutuambia sema na awijue. Quand il parle de cette façon, wakati anasema muina muna, c'est qu'il fait, il vient nous secourir. Manake, iko nakuja kutusaidia. Vient nous éclairer. Iko nakuja kutuangazia. Et nous sommes contents. Na, tunafurahi. Parce qu'il est celui qui connaît toutes choses. Juu yeye, ndiye anajua maneno yote. Et c'est lui-même qui peut nous éclairer en toutes choses. Yeye peke ndiye anaweza kutuangazia mubitu biyote. La Bible dit, Biblia nasema, nous sommes nés dans le mensonge, grandis dans le mensonge. La vérité seule vient seulement du Seigneur Jésus. Nos parents ont hérité le mensonge et ils nous ont transmis aussi le mensonge. Amen. Amen. La vérité vient seulement du Dieu d'Israël. Et aujourd'hui, comme nous connaissons le Dieu d'Israël, nous avons droit à connaître toute la vérité en toutes choses et sur toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Nous introduisions déjà hier en évoquant la notion des droits. Ya malali. Que observer Tangalia. C'est historiquement parlant que l'Odyssée, le nom même, signifiait droit, les droits du peuple. C'est ainsi que, à l'Odyssée déjà dans l'Antique, ils organisaient eux-mêmes chaque domaine de la vie, ils étaient occupés à légiférer des droits pour la protection des médecins, des agriculteurs, des couturiers, des cordonniers, des éleveurs. Chaque domaine réclamer ses propres droits pour leur protection. Amen. Amen. Et cela ne doit pas laisser Dieu indifférent. Même la fausse religion de l'époque, comme c'était un temps où chaque domaine avait des droits, le peuple avait le droit d'adorer comme il voulait. Ils avaient le droit de choisir les dieux qu'ils voulaient adorer, leur manière d'adorer. On reconnaissait à tout homme le droit de faire ce que lui pensait être la vérité. Amen. C'est comme ça qu'est née même la notion de démocratie que nous appelons démocratie. Laisser la liberté à tout homme de faire ce qu'il veut. Mais ils ont oublié une chose. Quelle chose? Psaume 100. Zaburi sura yake ya 100. Psaume chapitre 100. Zaburi sura yake ya 100. Verset 3. Mustari yatatu. Sachez que l'Éternel est Dieu. Mujue ya kwamba Yehova ndiye Mungu. Et ne considérez pas que le Dieu d'Israël est le véritable Dieu. Bo abakujua ya kwamba Mungu wa Israeli ndio Mungu wa kweli. Il ne reconnaissait pas que c'est lui le seul créateur. Abakumtambua yasema yeye ndio muumbaji pekee yake. Comme c'était un temps où chacun avait la liberté ou le droit de faire ce qu'il voulait. Sasa vile ilikuwa ni wakati kila mtu alikuwa na uhuru ya kufanya kila anapenda. Il y en a qui adoraient Zeus. Il y en a qui adoraient différentes divinités. Mais en nous, voilà ce que Dieu dit. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Voilà ce qu'il y a. Qu'ils ont manqué de reconnaître. C'est ainsi qu'ils ont laissé les gens vivre comme ils voulaient. D'adorer comme ils voulaient. De s'habiller comme ils voulaient. De se marier comme ils voulaient. Mais pour nous, comme nous reconnaissons en Jésus-Christ comme étant le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, et que nous, c'est lui qui nous a fait et que nous lui appartenons, voilà pourquoi nous devons vous dire, en tant qu'enfants de Dieu, vous qui appartenez à Christ, quels sont aussi vos droits. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a lu hier en Ésaïe 33 que notre Dieu, c'est lui le juge suprême. Ésaïe 33, verset 22. Car l'Éternel notre Dieu, car l'Éternel est notre juge. C'est-à-dire, pour le croyant, pour l'Église véritable, le juge suprême, ce n'est pas Allah, ce n'est ni Bouddha ou qui que ce soit, pour nous, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui le juge suprême. Qui est le législateur ou de qui viennent toutes les lois de la terre? C'est du Seigneur Jésus-Christ. Qui est le roi? Qui est celui qui règne sur toutes choses? Qui est celui qui commande toutes choses? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui est celui qui peut sauver un homme, sauver une femme, sauver une nation? Seul le Seigneur Jésus. Et nous, nous retenons ça. Jérémie chapitre 9. Jérémie, sura yake ya 9. Jérémie chapitre 9. Jérémie sura ya 9. Jérémie chapitre 9. Jérémie sura ya 9. Écoutez ce que nous reconnaissons. Musikilize ile tunatambua. Verset 24. Mais celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que suivez maintenant, je suis l'Éternel. Je suis le Créateur. Je suis Elohim. Niko Elohim. Ula napata baati ya kufamu Mungu wa byakweri. Celui qui a la chance. Jo muntu mwata sema eko na akili. Le véritable Dieu, c'est celui-là qui dira. Non seulement cela. Aina paka ile. Que fait-il? Anafanya nini? C'est Jéhovah là. Ou Jéhovah eko nafanya nini? Qui c'est, il est celui qui exerce la bonté. Yenjo eko natumia wema. Ula nafanshia na kabintu bizuri. C'est lui qui fait du bien dunia pa dunia pote. Sur toute la terre. Ni Yesu Christ. C'est Jésus Christ. Même celui qui aide les musulmans. Si les bouddhistes homosexuels sont vivants. Même si les homosexuels sont vivants. Même si les méchants sont vivants. Celui qui donne la vie. Il y a ce que les gens sont en bonne santé, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui exerce la bonté. En termes simples, les bonnes choses vient seulement de lui. Celui qui donne l'intelligence à l'école, c'est seulement Jésus. Celui qui a toutes les bonnes choses, ça vient seulement auprès de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il exerce non seulement la bonté, le droit, malali. C'est lui qui peut t'accorder. C'est ton droit de recevoir quelque chose, c'est seulement Jésus-Christ. C'est lui le juge suprême. C'est lui le décideur. C'est lui seul qui peut décider que cet homme peut devenir gouverneur. Celui-ci, peu importe la maladie, tu ne mourras pas. C'est lui seul qui peut Amen. Décider. Amen. Donc, utaona kusema, vous allez voir que kama tunaelewa mambo ya Mungu mzuri, si nous comprenons correctement kama tuku ba Kristo ba vya kweli, si nous sommes de véritables washikuliria mu mambo yetu auprès de qui nous devons ni Yesu Kristo. C'est seulement Seigneur. Utaona wewe mwenye kusema tu sauras toi-même. Ule kona sauti ya Mungu ya mwisho pa dunia, celui qui a le dernier mot sur ni la Yesu terre Christ. C'est Jésus Christ. Wami kuderanger sana ni Yesu Christ. Déranger, c'est Jésus Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Qui exerce la bonté, le droit et la justice. Amen. Amen. Ulanezi kusema ke uyu muntu inastahili apate matunzo. Cet homme mérite d'être. Uyu muntu inastahili ni mufanshie kitu fulani. Ni paka Yesu Kristo. Fasse ceci ou cela. Et cela, il le fait sur toute la terre. Eko naifanya ni pa dunia mzima. Que le Seigneur vous bénisse. Car c'est à cela que je prends plaisir. En termes simples, le Seigneur Jésus, il aime faire du bien aux hommes. Quand il voit un homme en bonne santé, en paix, il aime ça. Il aime faire du bien aux hommes. Il aime faire du bien à toute l'humanité. Amen. Amen. Maintenant, voilà. Ça, comme c'est un temps ça, où tous les hommes s'organisent et revendiquent leurs droits. Ça veut dire quoi? Qu'il y a dans tout domaine, il y a quasi toute personne dans chaque domaine là où ils exercent, ils cherchent comment se protéger. Amen. Amen. Namna kujikinga, comment se protéger, namna bokona ko muzuri, comment avoir un peu tous les domaines que vous pouvez évoquer sur la terre. Association des pasteurs, association des églises de réveil, association de ceci ou cela, et tous visent leurs intérêts. Est-ce que mon abishikia? Je parle l'allemand lentement pour que chacun comprenne. Et là où nous allons, comme tous les domaines de la vie, spirituel, matériel, économique, financier, médical, tout ça, il cherche néanmoins à protéger les leurs. Amen. Amen. Et à se sécuriser, à garantir leurs intérêts. Mais est-ce que Dieu ne peut-il pas faire aussi quelque chose pour ses enfants, pour son église, pour ses élus? Dieu ne peut faire que quelque chose. Et c'est là notre préoccupation. Savoir quels sont nos droits, quels sont nos privilèges, pour ceux qui lisent le message, vous entendrez souvent le Saint-Esprit par Frère Branham dire ceci. L'Église, jusque maintenant, vit en dessous de ses privilèges. C'est-à-dire, abafike mouile atua mungu eko naba mungu yarbaona. Ils n'arrivent pas au degré que Dieu les a vus. Amen. Amen. L'Église ne jouit pas Kanisa de ses droits en tant qu'Église, épouse du Seigneur. Frère, prenez les choses naturelles peuvent nous enseigner. Dès lors que quelqu'un passe chef de l'État, automatiquement, sans trop de gymnastique, sa femme légitime jouit des privilèges du fait que son mari est tel. Amen. Amen. Maintenant, l'épouse de Jésus-Christ, du fait que Jésus est l'époux, du fait que Jésus a acquis le salut pour eux, l'épouse ne peut pas jouir des droits aussi. L'épouse doit jouir des droits. Pourquoi nous parlons ainsi? Parce que vous avez vu, on a pris du temps pour insister sur un fait qu'il y a quelqu'un qui se tient à la porte de nos cœurs. Et ici maintenant, nous n'insistons pas qu'il se tient à la porte du cœur ou qu'il est déjà entré et que tu l'as bloqué. Okay. Mais nous parlons à ceux-là qui l'ont reçu, qui ont laissé le libre choix de Jésus à Jésus de faire ce qu'il veut dans leur vie. Est-ce que ben quoi pas? Sont-ils ici? Ah. Ni moi bale munesha kuchika Yesu. Moi bale munesha kuchika kwa achiria Yesu afanye kyote anapenda kufanya mu maisha yenu. Vous avez aussi des privilèges. Vous avez aussi des droits. Et vous ne devez pas reculer et dire non. Vous savez, quand il plaira à Dieu, non. Non. L'épouse du chef, la femme du chef de l'État ou l'épouse du chef de l'État ne peut pas dire non, quand il plaira au chef de l'État de m'accorder des gardes du corps, j'en jouirai. Quand il va décider à ce qu'on me donne des véhicules pour mon cortège, j'en profiterai. Non, voilà la dotation pour elle. Dis, tel bataillon à la disposition de la femme du chef de l'État. Autant de jeeps à sa disposition. Frère, tout est bien organisé déjà. Si le monde, avec ce que nous connaissons comme méchanceté, ils prennent de telles dispositions, il n'y a que Dieu qui ne peut rien faire pour ses enfants. Pourquoi pas? Dieu ne peut rien faire pour, ne peut rien prendre comme disposition en faveur de ceux qui l'ont cru véritablement. Parce que je suis un ami, frère, Dieu ne nous aurait pas amené ici à Kambo, en ce lieu, si Dieu ne... Dieu n'aurait jamais suscité un ministère sachant qu'il n'y aura pas d'épouse. Je ne sais pas si vous avez dit que Vous voyez, la femme du chef de l'État ne peut pas dire non, j'attends encore, je ne sais pas, peut-être il a une autre femme, on ne sait jamais. Les gens lui diront, mais tu n'es pas correct, tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. C'est toi la femme du chef ou quoi? Non, comme c'est l'investiture aujourd'hui, je ne sais pas, j'attends, quand il aura prêté serment, c'est alors que je peux jouir. Non. Écoutez comment le Seigneur lui-même parle. Musikilize namna kani Bwana yeye mwenyewe anasema. Matthieu chapitre 4. Mathayo sura yake ya 4. Avant cela prenons d'abord Romains. Mbele ya ile tuchukue kwanza Warumi. Romains. Warumi. Tukunatemba mu mambo ya Mungu satu. Tukunachunga mambo moye vipi itafanyikaka njoo tunaamini na kusema oh ni madroit yetu. Nous marchons dans la parole de Dieu, c'est comme qui dirait nous attendons encore quelque chose pour se proclamer qu'on est enfant. Oh mimi kunachunga nyeneshe ko 5 ans mu kanisa. J'attends que je puisse atteindre 5 ans dans l'église et je puisse avoir un peu de l'âge. Non, Dieu n'est pas comme ça. Mungu yeye ana vile. Quiconque croit véritablement, pas de la fausse foi, la foi véritable, peu importe l'âge, le Seigneur lui accorde déjà des droits. Amen. C'est indiscutable. Romains chapitre 10. Warumi sura ya 10. Romains 10. Warumi sura ya 10. Écoutez comment la Bible dit. Musigilize namna kani Biblia inasema. Verset 17. Ce sont des écritures que vous connaissez. Musara ya 17. Ni maandiko mnajua. Ainsi. Hivi basi. La foi vient de ce qu'on entend. Imani inatokea kuile tukuna. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Na ile tukunasikiliza inatokea kuneno la Kristo. Maintenant retournez à Romains 1. Murudie sasa mu Warumi sura ya kwanza. Imani ikunatokea ni kuneno la Mungu. La foi vient de la parole de Dieu. Romains 1 verset 17. Warumi sura ya kwanza mstari wa 17. On commence d'abord même à 15. J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome ou à Kambov. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Juif premièrement, puis grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Kwani ndani yake inafunuliwa uwaki ya Mungu kupitia imani na juu ya imani. Selon qu'il est écrit, paka vile imeandikwa, le juste vivra par la foi. Mwenye uwaki ataishi kwa imani. Mais la justice, pour que quelqu'un devienne ce juste-là, il faut croire. Le juste, ce n'est pas quelqu'un du dehors qui fait des choses correctes, non. Le juste, c'est ce pécheur-là qui croit à l'évangile. Et Dieu dit, le juste là, ce n'est pas parce qu'il ne commet pas de faute. Le juste, il est juste parce qu'il accepte ce que Dieu a donné pour déclarer tout homme juste. L'avez-vous fait? Est-ce que Dieu voulait mourifanya? Mourichika kile Mungu arleta? Naro yenu yote? Alors vous êtes des justes. Mais le juste doit vivre pour comment? Le juste lui vivra par la foi. C'est-à-dire c'est un droit pour lui de ne vivre que par la foi. Et laquelle foi vient seulement de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4. Matthayo sura ya 4. Matthieu chapitre 4. Matayo sura ya ine. Unaona kama uliamini vya kweli. Voyez-vous si vous avez cru. E maneno kusekuna kupa nguvu. Ces paroles va vous donner la boka ikuna kutoka. Kutokuamini kuguna kutoka. Unaanza kuliamini vya kweli. Commence à croire en toi. Toutes les fois que tu trouveras une écriture qui parle du juste. Wakati yote utakuta andiko na taya mwenye haki. Tu te reconnaîtras que c'est de moi qu'il est question. Utajitambua sema hii mambo ni yangu mimi. Et tu te tiendras sur chaque parole de l'écriture qui concerne le juste. Et tu revendiqueras cela. Na utalomba ile halali. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Matthieu chapitre 4. Matayo sura ya ine. Verset 4. Musari ya ine. Jésus répondit. Yesu akajibu. Il est écrit. Imeandikwa. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mutu ataishi kwa mukate tu. Ni mwawe mwaminifu. C'est à toi qui es toi. Mais. Chrétien. Alakini. De toute parole. Qui sort de la bouche de Dieu. Alakini ataishi kwa neno lote yenye kutoka mkinywa ya Mungu. Ule mtu wa kuhangaikia neno la Mungu yote, chote kile Mungu alisema. C'est lui qui ni wewe mwenye yake. Qui se préoccupe de tout ce que dit. Aina bantu ba inje. C'est toi le juste, ce n'est pas pour les gens du dehors. Ni wewe ulorisikia injili. C'est à toi. Unaamini na Mungu anasema wewe a partir hapa sasa. Devant moi tu es un homme juste. Tu es une femme juste. Cet homme là. Ne vit pas seulement du boukari. Ataishi tu kwa. Ne vit pas seulement des frites. Ataishi tu kwa chakula. Lui vit de toute la parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel. C'est son droit. On ne peut pas lui arracher ça. Quant à en ce qui concerne la parole de Dieu, ikuna benyeyo. Aina mambo ya bantu bote. Benyeyo benye neno la Mungu. Na bobe kwa kobeko mu ikanisa. Aussi dans cette église. Et cette parole s'adresse à eux. Amen. Vous savez, quand on parle de droit, les Français disent ceci. Quand quelqu'un dit, par exemple, ça, ce sont mes droits. Marusa, oui. Voilà le swahili facile. Marusa yangu. Cet homme-là reconnaît dans ses droits des privilèges qu'on ne peut pas négocier. Ce sont mes acquis, ce sont mes possessions. C'est pour moi. Je n'en discute, je ne réfléchis même pas. Et je n'écouterai pas un autre langage contraire. Amen. Amen. La parole de Dieu pour nous, frères, neno la Mungu kwetu sisi, c'est un droit acquis. C'est une possession. Nous possédons cela. En termes de droits, quand on vous dit que ce sont vos droits, ça peut être quelque chose de matériel ou de visible ou d'abstrait. Voilà, d'abstrait. Mais dans mon cœur, cela est enraciné. Que ça, on ne peut pas m'arracher ça. Même au prix de la mort, je me battrai pour ça. Amen. Amen. Nos droits à nous, en tant que croyants, en tant que des hommes et des femmes déclarés juste par les juges suprêmes. Vous savez, dans nos droits ici humains, quand quelqu'un veut revendiquer ce qui est tien, frère, il va vers un juge, il va vers un magistrat. Pourquoi? Afin que le magistrat soit celui qui va déclarer ouvertement ce qui lui revient de plein droit, ce qui est à lui, ce qui est acquis pour lui. Et le magistrat se tient là comme garant pour veiller à ce que ce qui te revient soit mis à ta disposition, soit d'application. Voilà, Mbarik. Que le Seigneur vous bénisse. Et le juge suprême, ou le magistrat suprême qui veille à ce que toute cette parole qui veille à ce que chaque écriture concernant les justes soit exécutée à la lettre. C'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi vous voyez, dans Hébreux, Paul parle très bien. Prenez Hébreux. Hébreux chapitre 6. Wa Ibrania sura 6. Non, c'est 7. Hébreux 7. Ni wa Ibrania sura 7. Hébreux 7. Wa Ibrania sura 7. Verset 22. Musari ya 22. Jésus, Jésus est par cela même Ekonjo, le garant d'une alliance plus excellente. Anashimamia agano moya yadamani. Il est garant d'une alliance. Anashimamia kusema nini? Byote bile bikumuya agano jipya. Ba minifu ba mwagano jipya bifanyike mu maisha yabo. Qui puisse s'exécuter dans leur vie. Chinjo ba minifu ba mwagano jipya. Sommes-nous les croyants de la nouvelle alliance? Je pensais que je parlais aux anciens, aux croyants de l'ancienne alliance. Jésus est par cela, c'est-à-dire il est celui qui se tient là pour veiller que la nouvelle alliance ayant des bases, des promesses plus précieuse que l'ancienne alliance. Il se tient là pour que la chose acquise pour les croyants du Nouveau Testament soit réelle et se réalise. Deuxième Pierre. Je ne sais pas si c'est première, attendez, je cherche. C'est deuxième. Petro Wapili. Deuxième Pierre chapitre 1. Petro Wapili sura ya kwanza. Deuxième Pierre chapitre 1. Petro Wapili sura ya kwanza. Verset 3. Musari atatu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dans la nouvelle alliance, Dieu met à la disposition du croyant une puissance divine pour que la piété soit réelle, soit expérimentée. La vie même de Dieu soit réelle dans le croyant. En termes simples, la divine puissance pour le croyant du Nouveau Testament, c'est un acquis. Tukunakyo. Aina ta ku réfléchir. Frère, j'attends que mon corps tremble un peu. Non. Quand tu crois, la divine puissance, Dieu la verse en toi pour te permettre de vivre comme Christ, de parler comme Christ, d'avoir la vie de Christ. Sa divine puissance nous a donné. Voyez comment la Bible parle. Nous a déjà donné tout ce qui contribue, yote ya kusaidia, ya kufanya que tu kwe na bujima bwa Yesu, qui va contribuer tu ici, mon nature ya Yesu, on vive à la nature de Jésus. Bon embarik, que le Seigneur vous qui bénisse. Contribue à la vie et à la piété, ya kusaidia kubuzima na kubuzima, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Kupitia kujua kwa ule alituita kupitia utukufu yake mwenyewe na uwezo wake. Kwa njia vile tulimtambua kusema njoo Mungu Au travers de ce que nous l'avons reconnu. Vile tulitambua kusema kumbi tutoke mu mazebu. Comme nous l'avons reconnu. Hii mujumbe njoo neno la kweli. Ce message. Vile tulitambua kusema Mungu alituma nabii. Comme nous avons découvert. Tubambeni mujumbe. Saisissons le. Kwa njia ile kutambua. Au travers cette reconnaissance. Mungu naye ashibakie bras croisés. Asenyone mbele vile bateji débrouiller. Mungu pale pale na ye. Anabeba kintu kinapashi kutusaidia. Anetuweka acho. Chose qui doit nous aider, il l'a placé en nous. Bon embarik. Que le Seigneur vous bénisse. Celle-ci, c'est-à-dire sa gloire, Manake, sa propre gloire et sa vertu, nous assure de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses. Malako, ya utukufu na ya damani. Frère, Nduku. Dieu a kavumu ya Mungu. À cause voyez, de la renommée de Dieu. Mungu njua uwezo yake. Pour la puissance na utukufu na kavumu yake. Vertu, ile njue kune tugarantir. Voilà ce qui nous Mungu asheze kufanya bintu bya bongo. Dieu ne peut pas faire bata mucheka. Force. On va se moquer de lui. Bale bana mfuataka kimbangu. Ceux qui suivent kimbangu. Situku na bacheka. Nous nous moquons. Ni njua nini. Pourquoi? Dans le kimbanguisme, il n'y a pas de vie. Mukimbangu amuna bujima. Voilà, on a fait un cadi maman qui. Ceux qui suivent Kadima. Il n'y a rien, il n'y a pas de salut. Ils sont méchants. Les musulmans. Nous nous moquons de toutes ces religions. Pourquoi? Leur divinité n'a aucune gloire. Kavumu inako. Il n'y a pas de gloire. Mungu mukona kavumu ile na mungu. Ianekalaka na ya Mungu. Na nguvu yake. Anasema ifo nifanye kintu kimoya. Njua kubagarantir. Malako ya damani. Ile mbini kunayo. Glorieuse que je possède. Wana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Celle-ci nous assure. Inatuhakikishia. Nini kuna tuassure? Qu'est-ce qui nous vile tulimtambua kusema njoo Mungu abia kweli. Que nous l'avons reconnu en tant que. Ni ule aliumba mbingu na dunia. C'est celui qui a ni hier voilà mwili ya bumuntu. C'est lui qui a porté. Vile tunaechika. Comme nous avons accepté. Frère, sisi njoo tunaechika. C'est nous qui avons accepté. Na tunareconnaître kusema mwili wakati ya mwisho. Ni ule Jehovah de l'Ancien Testament, Yesu Kristo. Njoo tuma imbu njumbe. C'est lui qui a envoyé. Tunavumbula na kuvumbula kusema kumbi fashi peko neno la kweli ya Mungu ni hapa Mungu mkavumu yake kusema banafata sitabacha bule il faut nifanye kintu moya juba ona kusema Mungu kama nafanya bintu ni bya kweli ni utukufu yake wana mbariki à cause de cela. Cela nous rassure de sa part. Comme c'est un Dieu qui a la gloire. Et la gloire ne revient qu'à lui. Amen. À cause de son honneur, de sa noblesse, frère, Dieu ne peut pas accepter de faire des choses. Comment un musulman expliquer que ce musulman a une vie correcte de plus que les chrétiens? Comment expliquer que les catholiques ont une vie correcte de plus? Dieu ne peut pas faire des choses comme ça. À cause de sa gloire, la différence sera nette. Amen. Amen. Quand on voit un vrai chrétien, une vraie chrétienne, même si tu la mets à côté d'une religieuse catholique, ou ta mangara religieuse catholique, en la sondant, tu vas découvrir des bassesses. Mais c'est une chrétienne vraie. Tu vas te dire, il n'y a rien à reprocher. Bon embarik. Que le Seigneur vous bénisse. Frère, Dieu, à cause de sa gloire, frère, il faut qu'il mette une différence nette. Na we mwenyewe, unaangalia sime. Tu verras que kuya kujama mu mambo ya kikasai. Na mambo ya Mungu. Niwe vo mambo ya Mungu. Otamie la parole de Dieu. Niwe vo mambo ya Mungu. Otamie de mes. Utaama unatoka mu mambo ya kikasai unija mambo ya Mungu. Abandonner le tribalisme. Pourquoi? Dieu doit faire une chose. Pour montrer que la gloire est ici. L'honneur est ici. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu doit faire ça. Il Il doit faire ça. S'il ne le fait pas, alors il n'est pas celui à qui revient la gloire. Dans son principe, il dit, je ne partagerai jamais ma gloire avec quelqu'un d'autre. Bintu bizuri, bina pashi kutoka ni paka kwangu. Okovu ya diakweri, bina pashi kutoka paka kwangu. Bwana mbariki. Matunzo ya diakweri, bina pashi paka kutoka kwangu. Avezi kuni confondre. Akusema, no, mufumu na yana tunzaka. No. No. No. No, kanisa ya kweli inapaswa kuachana na makanisa yote. Itaonekana kusema aba beko mkweli. Aba ni bia bongo. Dans la vérité les autres sont dans les mensonges. Tu vois? Unaona. Tu ne le savais pas? Au kuijue. Tu vivais comme tout le monde. Kwa naishi sabato bote. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez. Musikilize. Je n'aime pas trop aller vite. J'aime que même moi et vous, qu'on comprenne ça. Et que chacun de nous s'arroge le droit d'être chrétien. Chacun puisse jouir des droits que lui reconnaît Dieu. Je vous donne un exemple. Toujours biblique. Regardez un homme comme... Mardoché. Bon embarque. Que le Seigneur vous bénisse. Frère. Donc, vous connaissez tous l'histoire d'Esther et Mardoché. Moi, vous êtes mon adjoint à 10, il y a Esther. Et le complot de Aman. C'est Aman ou Naman? Aman. Comment? Aman. Aman. Naï le complot va refaire Aman. C'était déjà acquis. Barco Vanesha, qui pata. C'est-à-dire, par quoi vous avez décidé? Il n'y avait pas d'autre alternative. Il fallait tuer tous les Juifs. Écoutez, frère, si on comprenait ça, je crois que chacun de nous vivra comme un croyant véritable et se tiendra sur le droit qui lui revient, parlera selon les droits qui lui revient, agira selon les droits qui lui revient. Il aura une foi solide sur le droit qui lui revient que la Bible t'accorde. La situation était très critique. Mambo ilikuwa nguvu sana. Très critique. Inakuwa mbaya. En ce temps-là, mwile wakati, les Juifs n'avaient aucun autre appui si ce n'est Jéhovah. Bayuda bakwe na tumaini ingine isipokuwa tu Jéhovah. Un moment, wakati fulani, ils ont failli commettre une erreur. Barifia kukotola. En voulant s'appuyer sur Esther parce qu'elle vivait, elle était déjà la femme du roi. Mkutafuta kutumainia Esther sa vile alikuwa mke wa mfalme. Mardoché s'est resté ici. Ah, akashituka. Il dit, akasema, nous les Juifs, shie ba Yuda, on est différents de tous les peuples de la terre. Tunachana na bantu bote ba padunia. Nous sommes sisi tuko, un peuple d'alliance. Taifa ya agano. Et celui qui nous garantit l'alliance, c'est le Dieu suprême. Ni Mungu wa yulu sana. Le juge suprême. Mwamzi wa yulu. Le roi qui règne sur toutes choses. Mufalme mwenye kutawala pa bintu. Israël appelait Jéhovah le roi. Wakati Israël, c'est-à-dire, il est celui qui commande toutes choses sur la terre. Il peut décider en une journée, en pleine saison sèche, il dit qu'il pleuve abondamment, il va pleuvoir. Il est celui qui gère les temps et les circonstances. Et Mardoché avait ça dans son cœur. Frère, Mardoché a exhorté le peuple. Mardoché a subutisha. Il a dit, on va prier. Akabambia tuombe. Nous, si. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, les Juifs ont des droits auprès du juge suprême. Amen. Amen. Esther. Esther chapitre 4. Esther sura yake ya 4. Très bien. Nzuri. Esther chapitre 4. Esther sura ya 4. Vous lisez à la maison tous les chapitres. Kunyumba musome sura yote mzima. Verset 13. Musari ya 13. Mardoché fit répondre à Esther. Mardoché akamujibia Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Ushiwazi asema peke yako utepuka katikati ya Bayuda bote. Kama banasema taua Bayuda. Si on prend la décision de tuer les Juifs. Bantu bashako yasema ta vile ko bibi ya mfalme moko Bayuda. Malgré tu es reine, tu es aussi une juive. En termes simples, il voulait dire à Esther, Esther que cette affaire te concerne. Ce dont nous parlons ce soir concerne chaque frère et chaque sœur qui adore. Tu es obligé de devenir sérieux. Ou à partir d'aller au Kusema, il faut savoir à partir de Atukuyake Mumukambov tabernacle, on ne vient pas pour faire des blagues. Si et Tukuna Mungu, nous avons Tukuna Budu Mungu, nous adorons Naule Mungu Kumunyo Yetu, ni Mungu Laritemba na Musa. C'est Dieu qui a marché avec Moïse. Ou est vile, il faut que tu le saches. Chatukuyake Apa, Kutafuta Makaj, Ao Mandoa, Mungu Larituita, c'est Dieu qui nous a ni Mungu Lekona Utukufu Sana, Kama Nataku Fanya Bintu, Inapashi Paku Shangai Shabantu Bote. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Bina pashi pa kushangaisha bana. Ça doit étonner tout le monde. Parce que bile yanafanyaka. Parce que c'est qu'il fait. Masomo haitafikaka mwile kipimo. Les études ne peuvent pas. Makuta haitafikishaka mtu mwile kipimo. L'argent ne peut pas te pousser à arriver. Kikabila kitafikishaka bantu mwile kipimo. Même ta coutume ne peut pas. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Ni Mungu mwiko spécial. C'est un Dieu qui est spécial. Na byake anafanyaka biku spécial. Toujours fait spécial. En termes clairs, il est le plus grand spécial, le plus grand spécialiste des choses spéciales plutôt. Esther, cette affaire te concerne. Hivi tu kunasema ushone satu vile woku na makuta au rifunda au kukubukweri au mambo. Hivi tu kunasema binangaria batoto ya Mungu bote. Ça concerne tous les enfants de Dieu. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Ushiwazi asema we peke yako njo utepuka. Frère, sœur, uyu wa kusema. Sache que. Ibi diku nasema. Ce qui se dit. Shetani na mapepo mchafu iko na bishiki. Satan et les démons les écoutent aussi. Na shetani anayo kusema. Et Satan sait. Ibi roya Mungu kuna monesha Jose asema. C'est que l'esprit de Dieu dit à José de ni kweli. C'est la vérité. Batoto ya Mungu beko na malali yabo. Les enfants de Dieu ont leur droit. Ile banapasha kombania na Mungu ako pale na kesha pour que bile bintu bifanyike maisha batoto ya Mungu. Afin que ces choses puissent s'accomplir dans la vie des enfants de Dieu. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que tu es dans la maison du roi. Ushiwazi asema juu ku nyumba ya Mungu. Si tu t'étais maintenant, frère, sœur, c'est ce que nous disons. Kama kuyaka, si toi, tu ne fais que venir, tu ne fais pas entrer dans cette affaire. Enlèvement tabakiaka riche kwako. L'enlèvement restera une histoire. Mungu frère. Dieu nduku. Atutaenda kumuonja kumbingu. On n'ira pas l'expérimenter au ciel. Tukunaonja Mungu ni padunia. Nous expérimentons kumbingu akuta kwa maonjo. Kumbingu nous passons de la foi à la réalité. Kumbingu tukunatoka ku imani tunakuwa. De la foi à la vue. Ku imani na kuona. La foi imani est nécessaire maintenant. Ni ya mafaa hapa sasa. Amen. Amen. La foi est maintenant est nécessaire, c'est aujourd'hui. Parce que la Bible dit, tant que nous demeurons dans ce corps, nous sommes comme éloignés de lui. Mais quand nous sortirons de ce corps, nous serons avec lui, lui serrant la main, il n'y aura pas de prédication. La prédication, c'est aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu t'étais maintenant, voilà l'extrait que je cherchais. Le secours, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Mardoché, si Bayouda, nous appartenons à une alliance telle que ce que nous sommes appartient à Jéhovah. Et ce que Jéhovah est, nous appartient. Quel que soit mambo, si Bayouda, Mungu anedi arrange kana fungula njia. C'est comme ça que eux croyaient. Pas seulement eux. Les élus d'aujourd'hui doivent croire que Jésus est celui qui n'abandonne jamais son peuple. Le juste peut tomber. Mais que fait le Seigneur? Namula mushaka. Ashachake moneyaki kubakia munsambi. Ashachake moneyaki kubakia paka muna takata. Ashachake moneyaki aranguka mupolitika na bakia paka mupolitika. Dans la politique et rester dans la politique. Wana mbariki. Ashachake moneyaki. Uranguka mutribalisme. Kunaisha unanza na kunaje. Unabakiria paka mu. Mwaneyaki atana nguka mudekurajima. Sa divine puissance. Uwezu wake wakimungu. Frère. Nous rassure, nous donne ce qui contribue à nous relever. Mambo ya Mungu, la parole de Dieu, il faut la comprendre en tant que chrétien. Si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais, que les véritables croyants ont des droits de se tenir tranquille. Quand les choses deviennent compliquées, quand les gens appellent cela trop tard, quand les gens disent que ça n'est fini, les véritables croyants se tiennent tranquilles. Se tiennent tranquilles. Pourquoi? C'est lui qui s'appelle notre Dieu. Connaissait cette situation avant. Pourquoi? Il est éternel. Et non seulement qu'il connaissait, il sait comment nous en sortir de cette situation. Allons-nous être troublés? Pas question. Pas question. Donc aujourd'hui, Léo, en tant que racheté, ça va, je parle à d'autres rachetés, nous, que nous sommes des gens qui vivent dans la tranquillité. La tranquillité est un droit pour nous. Dernière écriture, Esaïe 32. Dernière écriture. Andiko ya mwisho. Verset 17. Musare ya 17. L'œuvre de la justice. Kazi ya uwaki. Le travail qui produit, qui déclare quelqu'un juste. Kazi ile kunatangaza mtu asema ni mwenye haki. Sera la paix. Itakuwa ni salama. Cette œuvre-là, il est quasi, il est... quand Dieu l'opère dans un homme, Mungu dans une femme, dani, na mwanamuki, elle produit la paix. Ikunatoa salama, ikunaleta salama. Et le fruit de la justice. Na tunda ya quand quelqu'un est déclaré juste, wakati mtu banamuita sene mwenye haki, sur base de sa foi en Christ, quel est le fruit? Le repos et non l'agitation. Le repos. Frère, quand on vous dit quelque chose, que cette œuvre est au repos, c'est-à-dire il y a une assurance, rien ne peut troubler cela. Le repos et la sécurité pour toujours. Suivez maintenant. Pourquoi est-il écrit pour toujours et non pas éternel? Nous sommes encore sur la terre. C'est pourquoi le repos et la sécurité nous est garanti tout le temps que nous vivons sur la terre. Bon embarri. Que le Seigneur vous bénisse. On continue. Mon peuple. Oui, bon, c'est ma frère. Aïna, chef de l'État. Aïna, gouverneur. C'est le juge suprême. Le Dieu qui commande toutes choses sur la terre. Ah bon? Donc, il a un peuple. Qu'est-ce qu'il dit au sujet de son peuple? Puisque c'est celui-là qui aura déclaré quelqu'un juste. Quand il déclare juste, il t'adopte comme son peuple. Et qu'est-ce qui est dit de son peuple? Mon peuple demeurera dans les séjours de la paix. Tous ces jours seront de paix. Dans des habitations sûres. Frère, en Christ, nous sommes dans un lieu très sûr. C'est-à-dire, pour m'atteindre, il faut atteindre Christ. Et qui es-tu pour d'abord atteindre Christ afin de m'atteindre? Voilà ma sécurité. Dans des asiles tranquille. Mufazi ya ukimbilia ya salama. Lieu de refuge. Mufazi ya ukimbilia. Mune kama ni kwamo. Si je suis là-bas. Je suis tranquille. Niku musalama mwa. Oi malari. Oi situation. Oh, cette maladie, cette situation ici. Faites du bruit. Mufanye makelele. Pour moi c'est comme des abeilles. Unaona hapa mama wanoshaka bunga moko mu manshop. Mama qui vend la farine au marché. Cette maman, pour nous, Satan et les démons, tout ce qu'ils font, c'est du bruit. Et nous faisons seulement comme ça. Pour nous, toutes les manœuvres de l'ennemi, c'est du bruit. Pourquoi? Habitez-ni Fankintu. Ça ne me fera rien. Amen. Amen. Toute arme forgée contre toi sera. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez vous-même déclaré ce que est votre droit. Vous l'avez déclaré. Tout à chemin. Nous allons nous lever. Nimepata salam kutoka mbingu. Sasa nina pumzi kwa Yesu. Na salama tu awezi kuto. Itakuwa milele moyo. Nimepata ni. Ni salam kutoka mbinguni, ni salama ya Mungu kulinda mioyo, ndiyo itakayopita kusema. Tutaomba Mungu. Nous allons prier.